Vous êtes à l'écoute de Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1. La semaine dernière, Marie-Claude Dion nous a annoncé quelles seraient les découvertes à venir en archéologie pour l'année 2016. Alors aujourd'hui, Mélanie Jean nous présente ce qu'il faudra surveiller du côté de l'environnement. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Alors Mélanie, tu commences par une bonne nouvelle, le retrait du lamantin de la liste des espèces en danger. Oui, en fait, tu vas voir que ce soir, je vais te présenter que des bonnes nouvelles pour faire changement un peu de l'actualité qu'on a depuis les derniers jours. C'est un fait. comme tu le disais, le lamantin va être retiré de... En fait, c'est qu'il va changer de statut, tu vas voir. C'est qu'il va être retiré de statut en danger parce que sa population a fortement augmenté, tout particulièrement en Floride. Pour faire un rappel, ce mammifère herbivore marin, on appelle aussi vache de mer, est inscrit sur cette liste depuis à peu près 50 ans. Les lamantins vivent en eau peu profonde et ils doivent remonter pour respirer à la surface à peu près toutes les 15 minutes. Ils mesurent environ 4 mètres de long et peuvent peser jusqu'à 600 kilos et vivent quand même une quarantaine d'années, voire même un peu plus. Mm-hmm. Et si sa population avait beaucoup diminué à cause de... Il y a eu beaucoup de chasse et... on avait vu, comme je te disais, ça vit en eau peu profonde, donc on avait souvent des collisions avec les bateaux. Donc, la population avait énormément diminué. Et au début de la surveillance aérienne en 1991, on avait compté 1267 lamantins en Floride. Et ça, c'est des chiffres qui proviennent de l'Agence américaine de protection animale. Et aujourd'hui, ils sont plus de 6300. Donc, c'est quand même une belle augmentation. Et plus largement, à combien est estimée la population mondiale des lamantins maintenant? Au total, on l'estime environ 13 000 individus. Mm-hmm. Donc, c'est pas beaucoup. Et ça, ça compte ceux qui vivent dans les eaux caribéennes, le long des côtes de la Colombie, du Venezuela et du Brésil en Amérique du Sud. Et grâce à des améliorations importantes dans les conditions de vie et aussi de l'habitat, il y a eu aussi des réductions de menaces directes. La population des lamantins en Floride a quintuplé en 25 ans. C'est une belle nouvelle. Mm-hmm. C'est pour cette raison-là, en fait, que l'Agence américaine de protection animale a proposé de rétrograder le lamantin de la catégorie d'espèce menacée plutôt que d'espèce en danger. D'accord. Donc, un peu moins grave comme statut. Et le public a jusqu'au 7 avril 2016 pour s'exprimer sur cette proposition. Parce que c'est comme... C'est pas c'est obligatoirement, si elle décrète ça, elle dit pas, bon, on fait ça. C'est comme un peu comme le BAPSI. Okay. C'est une proposition, les gens vont se présenter, ils vont dire ce qu'ils en pensent, les spécialistes aussi vont et se prononcer. Ils tiennent compte de ça. Oui. Par contre, cette proposition-là ne plaît déjà pas à tout le monde. Il y a plusieurs organisations de protection de l'environnement, comme le club Save the Manatee. C'est le club pour sauver les lamantins. Mm-hmm. Les autres, ils sont vraiment opposés à ce changement de statut parce qu'ils considèrent qu'il y a encore beaucoup de menaces qui existent et que les décès sont encore très élevés, surtout ces dernières années. Et selon eux, il y a 2441 lamantins qui sont morts dans les eaux de Floride entre 2010 et 2013. On verra donc au courant de l'année si le statut du lamantin va changer. Revenons au Canada maintenant. Ottawa promet de se baser sur la science pour mieux protéger les milieux marins. Oui. Est-ce que ça va être le cas? Bien, en fait, je fais une petite parenthèse. Je ne sais pas si tu te souviens, à l'automne, j'avais fait une chronique qui parlait justement de d'Ottawa et de la protection de l'eau au Canada, oui, qui est assez mauvaise. Oui. Donc là, on a un changement de gouvernement et on voit un changement de ton aussi dans la protection des milieux marins. Dans les prochaines années, le gouvernement fédéral promet de protéger 10% du territoire maritime national. Et si on se compare avec d'autres pays, est-ce que le Canada en fait assez? Oui et non. En fait, le pays protège actuellement à peine 1,3% de ses zones maritimes. Mmh. Donc, si tu me dis 10 versus 1,3, c'est quand même pas si mal. Mais si on se compare avec d'autres pays, par exemple, en Australie, la zone sous protection représente 33% du patrimoine océanique. Aux États-Unis, ce taux avoisine 30%. Même la Russie, avec 11,6. L'Indonésie, avec 5,8. Et même la Chine, avec 1,6, font déjà présentement mieux que le Canada. Donc oui, 10%, c'est mieux que 1,3%, mais il y a encore beaucoup de place, je crois, à l'amélioration de ce niveau-là. Alors, maintenant, en Asie ou à Hong Kong, on annonce la fin du commerce interne d'ivoire aussi pour, et on veut s'attaquer au commerce illégal? Oui, ça, c'est une nouvelle qui est sortie hier. Et c'est vraiment super. Ça fait longtemps qu'on parle beaucoup de ça. Le commerce d'ivoire, c'est un problème en Afrique là, pour les éléphants. Et on le sait, en majorité, l'ivoire, ben, elle se ramasse en Chine. Et le maire de la ville de Hong Kong a annoncé cette semaine que le gouvernement étudie activement la suppression progressive du commerce intérieur de l'ivoire et va redoubler d'efforts afin de lutter contre son commerce illégal. C'est surtout la partie commerce illégal qui pose un gros problème. Chaque année, il y a environ 30 000 éléphants qui sont tués en Afrique uniquement pour leur défense. Donc, c'est pas pour les manger, c'est uniquement, on prélève les défenses et on laisse l'animal mort. C'est ça. C'est vraiment ridicule et ça se fait de façon illégale. Et c'est pour satisfaire la demande de produits d'ivoire en Asie. Pour te donner une idée, Hong Kong, c'est vraiment le point le transit central de l'ivoire, parce qu'il y a une étude qui a révélé l'an dernier qu'il y avait plus d'articles en ivoire en vente à Hong Kong que partout dans le monde, dans n'importe quelle autre ville dans le monde. C'est vraiment un point central. Et donc, cette décision-là représente une étape vraiment importante. On croit que ça va accélérer la fin du commerce de l'ivoire. Et puis, d'un autre côté, ben, ça va, les éléphants vont en bénéficier en contrepartie. Le maire de Hong Kong, il se dit même personnellement préoccupé par le braconnage des éléphants en Afrique. Il a déclaré que le gouvernement va tenir compte des mesures appropriées. Il veut adopter des lois visant à interdire l'importation et l'exportation d'ivoire et essayer d'éliminer progressivement le commerce local de l'ivoire. Et qu'est-ce qui a mené à cette prise de conscience et à cette décision de la part des autorités de Hong Kong? Ben, en 2015, il y a le WWF, la Worldwide Foundation de Hong Kong, qui a lancé une vaste campagne pour sensibiliser les gens et essayer de mettre fin au commerce. Ils ont eu l'aide aussi de plusieurs organisations de conservation de la région. Et au début du mois de septembre, la WWF à Hong Kong a publié un rapport qui a révélé des lacunes fondamentales dans la réglementation qui régit le commerce intérieur de l'ivoire et qui ça a permis aux commerçants de blanchir l'ivoire illicite en Afrique et ça contribue directement à la crise du braconnage en Afrique. Donc, en début janvier, cette même fondation a remis une pétition pour interdire le commerce d'ivoire. Et ce qui est surprenant, c'est que ça a été signé par des dizaines de milliers de citoyens d'Hong Kong. Le gouvernement d'Hong Kong a donc reçu cette pétition-là et s'est rendu compte que les citoyens se sentaient vraiment concernés. Écoutez la voix du peuple. Exactement. Et les politiciens réclament maintenant une interdiction assez claire du commerce de l'ivoire. Donc là, Hong Kong peut désormais jouer un rôle de leadership et frapper assez fort contre le commerce de l'ivoire. Et les efforts des derniers mois commencent déjà à porter fruit parce qu'on se rend compte que le prix de l'ivoire commence déjà à s'effondrer. Okay. C'est assez rapide d'ailleurs. On assiste au début de l'effondrement du marché. Donc, le trafic est en train de changer. Il passe d'une activité qui était assez peu risquée et très lucrative à un commerce qui va devenir assez risqué et pas très rentable. Donc là, aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle parce que si on regarde du côté africain, l'Afrique ne compte plus que 450 à 500 000 éléphants. Dans les zones les plus touchées, là, c'est le centre et l'ouest de l'Afrique. Et malheureusement, le nombre d'animaux qui est tué dépasse celui des naissances. Donc, c'est un autre problème. La population ne peut pas se renouveler à cause du braconnage. Alors ça, c'est une bonne nouvelle dont tu viens de nous parler. Et pour terminer, on espère le retour du mythique navire Calypso. Oui. Ceux qui ont grandi dans les années 50, 60 et 70 se souviennent peut-être de l'émission de M. Cousteau. Tout à fait. Et son merveilleux bateau était à l'abandon depuis 2007 dans un port en France. Et le célèbre bateau du commandant Cousteau va être remis en état d'ici la fin 2007. Donc, il estime un an et demi, et devrait redevenir l'ambassadeur des océans qu'il était autrefois. OK. Ils ne feront pas un musée avec. Non, parce qu'au début, ils prévoyaient peut-être l'exposer à Monaco, sur l'eau ou en dehors dans un musée, quelque chose comme ça. Mais finalement, la décision, c'est qu'il redevienne l'ambassadeur qu'il était. En janvier 96, un an avant le décès de Cousteau, le navire avait fait naufrage à Singapour. Et on l'avait remis à flot. Il avait rejoint en 2007 Concarneau, où il devait être restauré. Mais là, sa remise en état a été interrompue parce qu'il y a eu un désaccord sur la nature puis le montant des travaux entre le chantier naval et l'équipe Cousteau, qui est propriétaire du bateau. Donc, ça l'a comme un peu mis tout ça sur la glace. On savait pas trop quoi faire avec. Mais là, le chantier naval ne voulait pas le garder. Bref, l'équipe Cousteau a finalement réussi à mettre autour d'une même table des mécènes internationaux qui étaient très généreux et très motivés, parce qu'on sait que ça coûte cher réparer un bateau, et surtout de cette envergure-là. Ce bateau-là, en fait, c'est un ancien dragueur de mine britannique qui a été construit en 1942 et ça a été converti en navire océanographique en 1951. Et il va être donc sauvé et il devrait reprendre l'eau, on croit, là, en 2017. Pour l'instant, il n'y a pas de date d'annonce officielle et de fin du projet. Là. On sait qu'il est destiné, le projet est destiné à faire renaître le bateau. Puis qu'ensuite, ils vont voir qu'est-ce qu'ils vont faire exactement. Mais ils ont vraiment envie qu'ils sillonnent les eaux. Okay. Et à la fin du premier trimestre de 2016, On croit que Calypso va pouvoir quitter les chantiers et entamer comme sa nouvelle vie. Sa deuxième vie, en fait. Oui, c'est ça. Et comme je le disais tout à l'heure, le commandant Cousteau était surtout connu parce qu'il avait sillonné à partir des années 50, et ça pendant plus de 40 ans, les océans du globe pour réaliser de superbes films sur les fonds marins. C'est un pionnier dans le domaine et ça a fait le tour du monde. Oui, et ça fascinait, fait rêver. Ça fascinait les gens. Oui, là, tout à fait. Donc, on souhaite vraiment que ce projet-là fonctionne. Je crois qu'ils sont vraiment motivés à le faire et là, ils ont l'appui financier en plus pour le faire. Donc, comme tu peux voir, l'année 2016, il y a quand même des bonnes nouvelles à l'horizon, je crois. C'est un fait. Puis, on aura aussi bien d'autres nouvelles dont tu, en fait, nous parleras certainement au cours de l'année aussi. Alors, merci beaucoup, Mélanie. Nous allons faire une pause musicale et au retour, on vous parle de l'empreinte eau des amandes californiennes.